Voilà, c'est l'intempestive. Donc on est dans la tour du roi, là. Tu vois, t'imagines. C'est hein, symbolique. Je te précède. C'est un monument historique qui a au moins 3 siècles, tu vois. Et ce que je dis aux gamins qui viennent ici, c'est que les mousquetaires ont dû se battre dans cet escalier. C'est pour ça qu'ils faisaient des escaliers en colimaçon, c'est pour pouvoir se battre qu'avec un seul... Alors, là, c'est le studio, on attendra peut-être au retour pour y venir. Et ça, la radio est empilée sur 4 étages, quoi. 3. Sur 3 étages. Là, tu as les toilettes au fond, là, tu as un studio, Philippe, responsable technique, informatique, etc. Ellie, qui vient de Radio Divergence et qui est en stage chez nous. Et aujourd'hui, dans la tempestive, on s'intéresse à l'histoire d'une radio associative non commerciale, une des plus anciennes, une qui est née au moment de la libération des ondes. Radio Sainte-Afrique officiellement, Sainte-Afrique pour les habitués, émet sur 4 fréquences, le 96.7 à Sainte-Afrique, le 92.7 à Camarès, le 99.9 à Belmont et le 100.6 à Millau. Et si vous vous y connaissez en géographie, vous aurez repéré qu'on est là dans le sud d'Aveyron. Et si vous n'y habitez pas, vous pouvez quand même écouter la radio sur radiosaintafrique.com. Entretien avec Gilles Margeron qui, après plus de 25 ans à la coordination de l'antenne, s'apprête à passer le témoin. Là, tu as la rédaction avec 3 postes de travail. Donc ça, c'est le poste de la journaliste, ça, c'est le poste de Philippe, qui est à la fois programmateur aussi. Là, il y a le poste du journaliste du matin qui fait la matinale et qui s'occupe du site internet, qui s'appelle Mika. Et au fond, on a une pièce qui nous sert pour les réunions, pour les cours, pour les formations et tout ça, quoi. Là, en gros, on reçoit 5-6 stagiaires en même temps, quoi. Hein, sur la pratique radiophonique en général, mais adaptée aux radios associatives. Donc on se sert de choses assez classiques et assez académiques, hein, Radio France, entre guillemets, en l'adaptant aux radios associatives. Et donc on fait de l'écriture radiophonique, on travaille la parole au micro, on travaille les techniques d'interview, ce genre de choses, mais aussi un peu d'animation et de choses un peu plus larges. On fait ça depuis plus de 20 ans et on a acquis une petite notoriété au sein des radios associatives. Les gens viennent même de Martinique se former chez nous, donc c'est pas mal. Ils nous amènent du rhum et tout, donc c'est très sympa. Voilà. Puis il y a quelques archives avec les vieux magnétos Revox de l'époque à bande et tout. C'est d'ailleurs un des chantiers que je dois faire pendant ma retraite, c'est que je vais essayer de tout numériser, ce qui est intéressant et qui est là-dedans. Et il y a du boulot, je peux te le dire. Voilà, en gros, on va passer au studio après. Voilà. Bonjour. Bernard, ancien président, maintenant adhérent de base et quand même au conseil d'administration et qui anime une émission de jazz qui est repris par d'autres radios, donc ça s'appelle Billy et moi. Billy et moi, c'est une émission de jazz et musique du monde aussi petit peu. Hein. On passe du côté technique avec l'ami Yann. Bonjour. Qui bosse donc avec Philippe, Juliette, et là on est au cœur du Boeing avec la sacrée console. Sacrée discothèque. Voilà, discothèque tout autour, il faut que ce soit très pratique, à portée de main. Une seule personne peut faire le boulot, la matinale se fait en DJ, hein. La personne est toute seule. Mais la plupart du temps, on travaille en binôme parce que c'est quand même, on a plus d'énergie, je dirais, pour vraiment se concentrer sur les textes et sur le contenu si on ne fait pas la technique. Très très dur de faire les deux, donc on essaye qu'il y ait toujours un technicien et un animateur ou un journaliste de l'autre côté. Alors voilà, on va être un peu plus silencieux parce qu'il va prendre l'antenne. Topsy, ou quand Likonis rencontre Werner Marsh au sax ténor avec Sal Mosca au piano, Billy Boer, non, le piano, il n'y avait pas de piano sur ce morceau, mais il y en a sur les autres. Billy Boer à la guitare, Oscar Petitfort à la basse et Kenny Clark à la batterie. Continuons ce petit tour dans le passé, avec toujours dans les années, en 1958, dans les années 50. C'était vraiment une bonne décennie, les années 50. C'était très très bien. Voilà, alors Cannonball Adderley, c'est son seul album sous son nom, mais c'est pas de lui en vérité, c'est un album de Miles Davis. Donc avec aussi Hank Jones au piano, Sam Jones à la basse, Art Blakey. Et c'est moins révolutionnaire que l'album homonyme d'Ornette Coleman, Something Else. C'est le chaînon manquant entre le Miles Davis du art bop de l'ère prestige, largement tributaire des idées de Charlie Parker, et la première période Columbia, celle de Notre Bleu. Partagé entre ambition orchestrale et évolution harmonique, éloigné des clichés funky du quintet qu'il formait avec son frère, Cannonball est tel qu'à lui-même, flamboyant et prodigue, et leur version de Autumn Leaves est peut-être la plus belle jamais immortalisée. Voilà! Merci. Merci. Voilà, et on redescend à l'accueil. Et moi, si tu veux, alors, tu vois, je suis un sacré vénard, j'habite ici, tu vois, j'ouvre la porte et je suis chez moi, là. Ah, d'accord. C'est fabuleux, tu vois. Et en fait, j'ai acheté la maison d'à côté pour pouvoir venir à la radio en pantoufles. Manu, donc, qui va me succéder, qui va être le coordinateur de tout ça. Et puis, on va libérer toutes ces archives. J'en mets tous les jours un peu plus à la poubelle, tu vois, pour faire de la place et préparer la suite. Parce que toi, tu es lié à l'histoire de cette radio quasiment depuis ses débuts, c'est ça? Alors, je ne l'ai pas fondée. Hein. Tout le monde dit « je suis fondateur ». Non, non, ce n'est pas vrai. L'histoire, rien que l'histoire, les faits. La radio a été fondée en 81 par une bande de copains issus plus ou moins des luttes du Larzac, des écolos, des anards, des gens un peu qui voulaient secouer cette France profonde. Il faut savoir qu'il y a donc 29 ans bientôt, ici c'était vraiment, enfin la France profonde comme on l'aime, hein, ça n'a rien de péjoratif, mais très enclavé, très à droite, très catho, très vraiment sclérosé un peu quand même. Hein. Et donc il y a des gens qui sont venus, soit des enseignants qui étaient en poste ou des gens comme ça, des gens qui avaient suivi les luttes du Larzac dans les années 70 et tout ça, et qui se sont dit, mais bon, les radios libres 81 et tout, ici il n'y a que des trucs bien dans le sens du poil. On va faire un média libre, un peu rebrousse-poil, un mouche du coche, voilà. Et bah, ça a marché, ils étaient une vingtaine au départ, et puis, alors c'était vraiment l'âge de pierre, ils enregistraient sur leur propre chaîne stéréo avec un micro pourri, ils faisaient une émission très militante, très machin, et puis une fois par semaine, ils montaient sur la colline, parce qu'il faut dire que Saint-Afrique, c'est dans une cuvette, et il y a 7 collines, comme autour de Rome, toute proportion gardée, et on montait donc, ils montaient, puis j'étais pas là au tout début, ils montaient sur la colline la plus propice, et puis ils montaient le petit émetteur qu'on branchait sur la batterie de la bagnole, ils sortaient les antennes et tout, et on diffusait la cassette qui était enregistrée avec des copains, machin et tout. Donc inutile de dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'écoute, et que c'était vraiment un truc pour les copains, par les copains, etc. Et puis moi, je suis arrivé en 83, donc 2 ans après. J'avais un voisin qui faisait partie des fondateurs et qui, moi j'étais technicien du son avant, je m'étais pas mal baladé et, avec ce boulot aux quatre coins du monde. Et il m'a dit, on manque de techniciens, de gens, la technique et tout, c'est un problème. Et puis, on manque de bénévoles et tout. T'as fait des voyages, je pourrais faire une émission sur les voyages. J'ai dit, allez, banco. Et puis voilà, c'est parti en bénévole, comme ça. Je faisais une émission qui s'appelait Tapis Volant et je racontais mes carnets de route et ces trucs-là. Et je faisais la technique et je leur filais un coup de main. Et là, on s'est acheté une caravane et on a installé une caravane sur la colline avec un compteur de chantier. Et on s'est fabriqué nous-mêmes avec nos petits fer à souder un émetteur. Et voilà, la radio, là, elle a vraiment pris corps et c'était 2 heures d'émission par jour. À ce moment-là, la radio, elle était autorisée officiellement ou pas encore ? Pas réellement. On a eu l'autorisation qu'en 84, je crois. Hein. Voilà, 83-84, ça a été à peu près dans ces eaux-là. Et 84, on a eu la possibilité d'avoir des emplois aidés. On a eu la première coordinatrice qui était en jeune volontaire, qui était payée des cacahuètes, hein, un truc vraiment honteux, mais enfin bon, ça tombait bien. Il y a une des adhérentes qui avait besoin de bosser un peu, et elle montait avec sa mobylette sur la colline et elle allait faire ses trucs. Et puis après, on a eu la possibilité de toucher des subventions. Il y a eu le premier fonds de soutien, qui ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs, avec la haute autorité et tout ça. Et moi, je ne travaillais pas et j'ai eu la possibilité d'être embauché par la radio en tant que EIL. C'était les premiers sigles avant les CES, les TUC, les machins et tout. Emploi d'initiative locale. Et puis voilà, je suis resté. Et là, tu parlais des fondateurs de la radio qui faisaient un peu de la radio pirate comme ça. Il y a eu une radio qui s'appelait Radio Larzac à l'époque, non, au moment de la lutte Pas vraiment, ça a toujours été des choses très temporaires, hein, sur une semaine, deux, trois jours. Il y a eu beaucoup de tentatives et puis ça n'a jamais vraiment pris corps parce que une radio, tu sais ce que c'est aussi, il faut quand même des gens qui s'en occupent, c'est du boulot, c'est du quotidien, c'est des trucs où il faut qu'il y ait un suivi. Sur le Larzac, c'était avant tout des agriculteurs, des néo-ruraux, des margibouseux, comme on disait, ou des gens qui étaient plus intéressés par l'exploitation des terres et ces choses-là, et la lutte surtout contre le camp militaire, bien sûr. Donc je crois qu'il y a eu un essai quand il y a eu la grande marche sur Paris avec les brebis sous la tour Eiffel et tout. Là, il y a eu un premier essai et puis qui n'a pas été transformé. Et en fait, Radio Larzac est né, alors ça m'est tombé dessus comme ça, hein, en 2003, donc c'est relativement récent, quand il y a eu le grand rassemblement sur le plateau du Larzac, où la personne qui devait s'occuper de faire une radio pirate pendant le temps du rassemblement est tombée malade 3 jours avant, et j'ai récupéré le bébé, quoi. Enfin, on m'a filé le bébé que j'ai partagé avec une collègue, Isabelle Bourdet, qui est donc la directrice d'antenne de Radio Pays d'Hérault, pas très très loin, juste de l'autre côté du plateau. Et tous les deux, eh bien, on a coordonné 15 radios associatives qui sont venues spontanément, et on a fait de la radio pirate pendant tout le temps du rassemblement. C'est-à-dire 3-4 jours, mais enfin on était là un petit peu avant, un petit peu après. Donc en gros, une grosse semaine où on a refait de la radio pirate qu'on a appelée Radio Larzac, bien entendu, avec des pancartes bombées, enfin comme au bon vieux temps, quoi. Et c'est-à-dire vous émettiez sur la FM avec cette radio-là ? Alors on émettait sur la FM et on a fait un truc complètement illégal, je me suis bien fait engueuler d'ailleurs par les CTR, c'est qu'on a inversé nos fréquences. Il se trouve que nous, on a une fréquence qui part de Saint-Afrique, qui va sur le Larzac, hein, en toile d'araignée, comme ça on se reprend, hein, les émetteurs avec des tuners et tout ça, et on a fait l'inverse, on a inversé la toile d'araignée, c'est-à-dire qu'on a commencé à émettre du Larzac en direction de Saint-Afrique, de Belmont et des autres sites. C'est bien entendu totalement interdit, et pour me couvrir quand même, je leur ai fait une lettre 2 jours avant en disant que c'était l'urgence, je ne pouvais pas les prévenir, machin et tout. Donc je me suis bien fait engueuler au téléphone, puis ça n'a pas dépassé ça, et on s'est régalé avec quand même de la qualité. C'est là où on a démarré le streaming aussi, pour être sur le net, afin que des radios de Toulouse puissent nous reprendre. D'accord. Et pour revenir à la première période, du coup, tu disais que c'était un pays... Un peu sinistré au niveau politique, quoi. Du coup, les personnes qui se sont mobilisées pour créer Radio Saint-Afrique, c'était les seules personnes dans la région qui se mobilisaient sur ce mouvement des radios libres, ou est-ce qu'il y en avait d'autres à proximité ? Alors, il y avait un autre groupe sur Millau, ça s'appelait Radio Trenelle. Trenelle, c'est les tripes, hein, c'est un plat très local, c'est le repas des noctambules à 14 du matin quand ils reviennent de fiesta, ils se tapent des trenelles, c'est une préparation à base de tripes, hein. Et donc c'était Radio Trenelle, mais qui sont venus un petit peu après nous, et il y a toujours eu un peu une opposition entre Saint-Afrique et Millau. Donc on était 2 radios en gros. C'est-à-dire une opposition à quel niveau ? Une opposition de clocher, quoi, de chauvine. Il paraît que du temps des Gaulois, ils se mettaient un petit peu sur la gueule de temps en temps. Donc il y a toujours eu un peu, ouais, les Saint-Africains, il faut pas faire confiance aux Millavois, etc. Enfin des trucs à la con, quoi. Et donc ces 2 radios fonctionnaient, Radio Saint-Af et Radio Trenel, mais sans trop bosser ensemble. C'était un peu chacun de son côté, et il y avait aussi une radio à Rodez. Il y avait 3 radios associatives au tout début. la radio de Rodez s'est très vite fait couler par une radio commerciale qui était financée par le président du Conseil Général de façon éhontée, qui donnait toutes les subventions à cette radio commerciale pour concurrencer la radio associative qui était plutôt la radio de la Fédération des œuvres laïques, qui était plutôt des gens de gauche laïcards, etc. Et on n'a jamais rien touché du Conseil Général, bien sûr, et c'est la radio commerciale qui existe toujours, qui a toujours été favorisée, financée, etc. Donc, à Rodez, qui est quand même la préfecture, plus de radio associative, très rapidement, ils ont fait faillite, etc. Et puis, à Millau, ça a mis un certain temps, et il s'est passé ce qui se passe souvent dans les radios, c'est qu'une personne met la main, un peu prend le pouvoir, quelque part, et vire tous les autres. Puis elle a fini par mourir de sclérose, cette radio, parce qu'à force de se refermer sur soi-même et de vouloir avoir le pouvoir, il n'avait plus personne, quoi. Donc ils ont fini par fermer, et on a été longtemps la seule radio associative d'Aveyron, quoi. Jusqu'à la création donc, de Radio Larzac, très récente. Voilà. Donc, en 2003, à la suite de l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure, ça a été une grande fiesta, c'était Woodstock, hein. Larzac 2003, ça a été énorme. Voilà. Donc, on s'est régalé et au bout de ce truc-là, on s'est dit, mais c'est trop dommage, quoi. Et on a entendu parler qu'il y avait des jeunes qui auraient bien monté une radio sur le plateau, qui auraient bien aimé prendre la suite et tout. Donc, j'ai balancé à la presse et en fait, ils ont repris la balle au bon et ça a traînassé, hein, de 2003 à, en gros, 2008, pratiquement, où ça a été dur, monter les dossiers, machin. Et ils faisaient de la radio. Je leur ai dit, mais en attendant, faites de la radio. Et ils avaient donc un créneau hebdomadaire où ils venaient se faire la main et la voix chez nous. Donc, c'était un peu la petite sœur qu'on a aidée à démarrer. Et puis maintenant, ça y est, ils ont pris leur envol et c'est chacun chez soi. Parce que dans les radios, il y a toujours un petit peu ça. On est potes, hein, ça se passe très bien. On n'est pas en concurrence directe, mais les gens, eux, aimeraient bien nous mettre en concurrence. Ils nous taquinent avec ça. Hein, gna gna, et lui, il a fait ci et ça, etc. J'espère qu'on ne tombera pas dans ce piège-là et qu'au lieu de s'opposer, on bossera ensemble, quoi. Mais c'est assez sensible en écoutant notamment les sons qui sont sur vos sites respectifs, hein, le site de Radio Sainte-Afrique, celui de Radio Larzac. C'est vraiment assez sensible, cette dimension de partage, de cohabitation, mais plus que de cohabitation, quoi, réellement de complicité des deux radios. Il y a pas mal d'émissions communes qui sont en ligne sur les deux sites. Absolument, c'est ce qu'on a essayé de faire, mais il faut être très vigilant parce qu'à certains moments, pour le fric, on est concurrentiel à certains moments sur des subventions par rapport à des communautés de communes, par rapport à des messages ou des choses comme ça. Donc, on a décidé vraiment de bosser ensemble et essayer au maximum de faire tourner, hein, et que quand on avait un plan, on essayait de le faire partager, etc. Jusqu'à maintenant, ça fonctionne pas mal. Vous parlerez bien dans les micros, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien. Vous pouvez mettre des casques si vous le souhaitez. Voilà. On vous raconte un petit peu ce qu'il y a dans les coulisses. C'est normal, c'est du direct. C'est de la caravane de Radio Larzac pour Radio Buzyn, cette radio temporaire. Radio temporaire. Alors. Julien Majorel et Didier Ossibal qui viennent tout juste d'achever leur visite guidée du village, puisque c'est ce que vous faites. Didier. Ah, voilà. Oui. Julien. Vous, les gens qui le souhaitent, vous suivent avec Didier Ossibal et vous racontez les monuments, les anecdotes. Tout à fait, les monuments, les commerçants que j'ai connus, les laiteries, les couturières, les maraîchers ferrants. C'est vrai qu'on a de la peine à l'heure actuelle de penser qu'il y avait autant de commerces et de choses aussi vivantes à Buzyn, car maintenant il n'y a plus qu'un restaurant, c'est le seul commerce. C'est le seul commerce, et oui, hélas. Hélas. Alors vous avez connu cette époque où effectivement il y avait couturière, vous disiez, et puis il y avait une épicerie. Il y avait deux laiteries où tous les matins les agriculteurs amenaient le lait pour. Il n'y avait pas de ramassage pour à ce moment-là. Pour le roquefort. Ah non, il n'y avait pas de ramassage. Hein. Le roquefort se faisait. Enfin, la formation des... Oui, l'empressurage se faisait sur place. D'accord. Hein. Elle se situait où, ces laiteries, dans Buzyn? Tout à fait, pas loin du centre de Buzyn, là-haut. Il y en a une en face, le monument, qui est là, et une autre qui était un peu plus haut. Là. Une très belle maison Renaissance. On croirait pas que c'est une laiterie, avec une très très belle tour, des très belles fenêtres à meneaux, commentaire de Didier Aussibal, qui est architecte, en fait. Ouais, malheureusement. Non, pourquoi malheureusement? Et qui travaille pour le parc. Voilà, on s'est croisé donc, au parc des Grands Causses. Et si vous voulez connaître toute l'histoire des laiteries de Buzyn, il vous suffit d'aller sur le site de Radio Sainte-Afrique où vous trouverez toutes les archives de cette radio temporaire réalisée conjointement avec Radio Larzac. Tout de suite, on retourne, toujours sur Fréquence Paris Pluriel, à l'histoire de Radio Sainte-Afrique avec Gilles Margeron. Et il y a d'autres radios associatives desquelles vous êtes proche. D'ailleurs, il n'y a pas seulement Radio Larzac. Vous bossez avec des radios de Montpellier aussi, un peu, non? Montpellier et Toulouse, oui. On est un peu au sommet d'un triangle. Hein, et c'est le même triangle pour la musique, les concerts, les tournées, tout ça. Donc, c'est très pratique. On a pas mal d'échanges. Et puis, les jeunes, nous, on a un trou au niveau des adhérents. C'est entre 18 et 30 ans. Ils se tirent à la ville. En gros, s'ils réussissent leur bac, ils vont faire des études à la fac. Et maintenant, il y a une fac à Rodez, mais... traditionnellement, les étudiants vont bosser à Toulouse ou à Montpellier. Et par la même occasion, on fait partie de la Fédération Midi-Pyrénées, donc, dont le siège est à Toulouse. Et puis, on a plein de potes sur Montpellier parce qu'on est à la frontière, nous, en fait. Et c'est vrai que par la route, on est à une heure et quart des plages de Montpellier, tout ça. Donc, on est plus tourné vers Montpellier que vers Toulouse. C'est plus long, c'est plus difficile. Donc, on a deux, trois radios de chaque côté avec lesquelles on fait des échanges, on bosse, on se connaît, on s'aime bien et tout. Ouais. Elle s'appelle comment ? Alors, donc vers Montpellier, d'abord, sur la route, il y a Radio Pays d'Hérault, que j'ai cité, et qui est vraiment des super copains, et qui sont un peu sur le même format que nous. Il y a des échanges possibles, l'émission de jazz de tout à l'heure est diffusée chez eux. On a une fréquence commune, enfin le même numéro, donc si vous avez le RDS, au bout d'un moment, tac, vous quittez le 96.7 de Radio Pays d'Hérault, et hop, vous reprenez le 96.7 de Radio Saint-Ave, donc c'est assez drôle. Et après, dès qu'on arrive sur Montpellier, il y a Clapaz, qui est un peu la radio jazz historique qui émettait en pirate dans les années 70. Il y a Divergence, qui est une radio, je dirais, un peu plus culturelle, un peu plus anard, libertaire, etc., avec lesquels on bosse. Et puis, il y a l'Écho des Garrigues. Alors, eux, carrément, c'est les alternatifs, zone industrielle, la techno à fond, électro et tout. Et voilà, on bosse principalement avec ces gens-là. Et de l'autre côté, sur Toulouse, alors sur la route, il y a à l'avoir, il y a Air d'Otan, c'est des copains aussi, c'est pareil, on est un peu sur le même schéma. Et à Toulouse, il y a Radio qui fait de la création radiophonique, parce que nous, on aime bien le son, on aime bien le bidouillage, la création radio, quoi. Et eux aussi, donc ça tombe bien. Puis on est dans la même fédé, on a des accointances aussi. Il y a Campus à Toulouse, avec lesquels on a fait des choses. Mais en ville, les choses évoluent plus vite, les gens changent, etc. Il y a un va-et-vient dans les radios urbaines qu'il n'y a pas chez nous, où c'est plus pépère, tranquille, où les gens restent plus longtemps et tout. C'est aussi l'une des raisons, hein, le fait qu'on soit un petit peu isolé comme ça, qu'on a pu durer aussi longtemps, qu'on a eu moins de soucis que dans les grandes villes. On ne s'est pas fait... Au début, on s'est fait braquer, mais après, ça a été très, très calme. Alors, au début de Radio Sainte-Afrique, comment est-ce que la grille de l'antenne était organisée, si elle était organisée, et qu'est-ce qui passait sur l'antenne ? Alors, ce n'était pas franchement organisé, c'était en fonction des disponibilités des bénévoles, hein, et c'est de façon assez démocratie directe. On a toujours essayé d'être le plus direct possible. Au début, tout le monde était président, pour pas qu'il y ait... c'était très libertaire. Et disons que machin et machin, c'était souvent des couples ou deux couples ensemble qui faisaient une émission, qui avaient décidé de thématiques qui les intéressaient. Alors en général, c'était défense de l'environnement, c'était plutôt écolo d'un côté. D'autres étaient plutôt libertaires, très purs et durs, machin et tout. Ils étaient libres de telle heure à telle heure, puis ils se partageaient les créneaux sans préoccupation aucune de si c'était un bon créneau, si les gens écoutaient ou pas, quoi. C'était, je pense que avant tout, les gens faisaient de la radio pour faire de la radio, pour se faire plaisir. C'était un peu de la branlette, hein, faut le reconnaître. Il n'y avait pas de préoccupation réelle radiophonique au sens, académique du terme. Hein. Et petit à petit, on est passé de 2 heures par jour à midi-minuit. On a encore des autocollants d'ailleurs, c'est marrant. Ça a correspondu au moment où j'étais embauché avec un autre collègue, donc à mi-temps. Et c'est là où on a commencé à avoir du matériel, des subventions et tout, et où on a fait des programmes musicaux qui correspondaient à ce qu'on cherche. Donc la musique est venue, au début c'était parlotte, c'était militant, prêchi, prêcha, voilà, la harangue et le prêche des militants. Et puis petit à petit, il y a eu de la musique qui n'est pas venue là par hasard, où on passait des choses que les gens ne passaient pas ailleurs, des trucs non commerciaux, essayer de faire des découvertes. Et ça, c'était un peu notre truc. On était très fiers de passer des groupes qui sont devenus connus depuis, mais qu'à l'époque personne ne passait, ou très très peu de gens. C'était assez alternatif au niveau musical. Et je me souviens, j'ai un exemple comme ça dans la tête, où on passait des vinyles à l'époque, alors dans la caravane, où quand il y avait du vent, ça bougeait, les vinyles, ça valdinguait, mais c'est très bucolique, il y avait les brebis autour, qui paissaient autour de la caravane, c'était très marrant, on voyait la ville de Sainte-Afrique dans le lointain, comme ça, et on passait, je me souviens, un maxi 45 tours, et c'était le premier maxi 45 tours d'Erita Mitsuko, que personne ne passait, que personne ne connaissait, qu'un pote de Paris nous avait amené parce qu'il connaissait Catherine Ringer, etc. Mais c'était vraiment, c'était, oui, 83, quoi. Hein. C'était vraiment les grands, grands débuts. Alors, on a été très fiers de faire ce genre de choses, faire des découvertes, de passer des musiques comme ça. Et à partir du moment où c'est devenu un peu commercial, on a laissé tomber. Il y a plein de groupes comme ça qu'on a passé à leur début ou pendant leur ascension. Et puis, dès que ça passait partout, ben, on arrêtait, nous, de les passer. Et donc, c'est devenu un petit peu le leitmotiv de la programmation. C'est qu'on passe que les autres ne passent pas, mais pas systématiquement et bêtement, hein, mais en essayant de faire des découvertes sur les autoprods, sur les gens qui passent pas à la télé, qui ont besoin de nous, quoi, pour se faire connaître, et puis la joie de découvrir des pépites comme ça, quoi, des trucs de qualité, alors aussi bien au niveau des paroles qu'au niveau musical, des choses de création, quoi, des choses originales. Et au niveau de la grille parlée de l'antenne, il y a eu une évolution? Alors, bien sûr, tout ça a évolué en fonction des bénévoles. On a tout eu. Hein. C'est allé des cours d'anglais aux émissions de musique classique, aux émissions culinaires et œnologiques, où il y a une initiation à la bonne bouffe et à la bonne picole et tout ça, ou les voyages. Mais bon, c'était souvent... c'était très anarchique dans le sens un petit peu bordel, hein, quoi. Et après, une fois qu'on s'est organisé avec ces programmes musicaux qui comblaient, entre guillemets, les trous entre les différentes émissions, on a essayé d'aller plus loin et puis surtout de donner la parole aux gens le plus possible. Alors ça, c'était très dur parce que les gens ne voulaient pas venir à la radio. On était connotés, étiquetés, anarcho-gauchistes, etc. On était une secte, on était tous des camés, on avait tout ce qui peut se passer en milieu rural dès que vous êtes un peu différent. La plupart des gens venaient de l'extérieur, n'étaient pas des gens d'ici. Alors il y a toujours ce rejet un peu, ah ouais, vous avez l'accent pointu, vous n'êtes pas d'ici, nanana. Moi, on m'en a voulu très longtemps d'être un peu le responsable d'une radio du Sud avec l'accent du Nord, quoi. Hein. Ça a été un truc, on était un petit peu mis de côté ou très critiqué, etc. Mais quand tu dis que les gens venaient de l'extérieur, c'est-à-dire que ce n'était pas des Saint-Africains qui étaient à l'initiative du truc, hein. Ils venaient d'où alors les gens qui ont créé la radio à Saint-Afrique ? Alors, c'était très peu, il y en avait un ou deux, hein, mais il y avait très peu de gens d'ici. Dans le sens qu'à Sainte-Afrique, il y a pas mal de passages, parce qu'il y avait beaucoup, il y avait une école professionnelle, il y avait une école EDF, il y avait donc des professeurs, il y avait beaucoup d'enseignants de passage, et au départ, il y avait pas mal d'enseignants dans ceux qui ont créé la radio. Donc c'est pour ça, quoi. C'était des gens, pas d'ici, il y avait des gens de Toulouse, hein, voilà, mais ils n'étaient pas nés à Sainte-Afrique et... dans le coin, et puis il y avait pas mal de néo-ruraux ou de gens. Est-ce qu'au fur et à mesure, les gens de Sainte-Afrique se sont un peu appropriés cette antenne ? Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, du fait qu'on était stigmatisés, étiquetés, pas d'ici, bizarres, incitant à la révolution. Et tenant des propos un peu, c'est vrai qu'on a récupéré, comme à cette époque des radios libres, la radio attire les dingues, hein, il faut quand même le savoir, sans critique, hein, mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de voir défiler à la radio des gens vraiment bizarres, quoi, et qui nous ont attiré quelques ennuis en faisant des émissions complètement déglinguées, quoi, du genre, je me souviens d'un type, parce que ça nous a posé un problème, c'était un des rares mecs en 30 ans qui a été exclu de la radio, il a fallu qu'il en fasse beaucoup, pour nous faire chier, et pour soi-disant être solidaire avec les bègues, il nous faisait une demi-heure de musique, c'était la demi-heure du bègue, quoi, et il bégayait pendant une demi-heure à l'antenne. Alors que lui n'était pas bègue à la base. Alors qu'il n'était pas du tout bègue à la base, quoi. Tout ça pour être soi-disant solidaire des personnes handicapées. C'est le même mec, genre Khmer Vert, un peu, tu vois, l'écolo intégriste, faisait des procès aux bouchers, aux charcutiers, parce que l'hiver, c'était une tradition à la campagne, on pendait le gibier à l'extérieur pour montrer qu'on avait du gibier à vendre. On voyait des faisans ou des lièvres qui, quand il faisait froid, bien sûr, étaient pendus à l'extérieur. Et lui, il était très procédurier. Ce mec-là nous a brouillé avec la moitié de la population. Donc, on a eu une très, très mauvaise réputation au départ. Et on a commencé au 15 ans de la radio, les 10 ans déjà c'était mieux, mais aux 15 ans de la radio, là on a senti qu'on était suivi, qu'on avait des auditeurs, mais ça a été très long. Et même encore maintenant, il y a beaucoup plus de gens d'ici, mais il y a une majorité de nouveaux venus, de gens de l'extérieur. Bon, c'était un peu la radio marginale quelque part au départ, quoi. Au départ, c'est-à-dire, alors maintenant, comment est-ce que la radio était apparemment très militante à sa création? Comment est-ce que tu définirais la radio aujourd'hui? Alors, sur le fond, vraiment profond, ça n'a pas tellement changé. C'est-à-dire que on est toujours libre, indépendant, joyeux, déconnant, voilà, on aime bien ça. Et parallèlement à ça, on aime bien faire de l'info la plus crédible possible. Alors, on n'arrive pas tous les jours à faire des choses béton, mais il nous arrive, par exemple, quand on a voulu fermer l'hôpital de Sainte-Afrique, on a été partie prenante à fond la caisse dans la défense de l'hôpital, et on a été très apprécié pour ça aussi. Des mamies de 80 ans nous téléphonent. Enfin bon, voilà, il y avait un truc, on sentait que la population était avec nous et était fière d'avoir une radio locale, quoi. Parce que, bon, Sainte-Afrique, c'est une ville de 8000 habitants. Il n'y a pas beaucoup de villes de 8000 habitants qui ont une radio, même si on émet à Millau, sur le plateau et bien au-delà de Sainte-Afrique. Bon, on a gommé certains trucs, on est peut-être moins provoque, outrancier, etc. Encore que, moi, je fais une émission quotidienne où je me lâche tous les jours, quoi. Je pense que je serai à Paris, j'aurai des procès, quoi. Voilà. Ici, non. Mais les gens adorent qu'on pousse le bouchon un petit peu loin, la galéjade, la déconnante, la provoque. Et ils s'y sont faits. Puis ils nous ont connus, ils se sont aperçus qu'on n'était pas forcément des sauvages, quoi. On a des jingles comme ça, Radio Saint-Ave, des vrais sauvages, quoi, des bons. Et en fin de compte, pour avoir fait quand même tout un boulot à côté de journalistes, pendant longtemps, on a eu 2-3 journalistes encartés, quoi. Donc, on a essayé parallèlement, toute proportion gardée, je sais pas, un petit peu dans la lignée de ce que font certains hebdos satiriques, où ils font de la décotenante, du pipi-caca et du harakiri d'un côté, mais à côté de ça, il y a des reportages sérieux, bétonnés, des choses vraiment où on va un peu loin et on essaye d'être meilleur, si possible, que le journaliste de la presse écrite du coin. Jean Vilain vous présente Vilaines Histoires. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, ça va être une très vilaine histoire. En effet, tôt tard au cours des études de médecine, une question inévitable surgit. À partir de quelle intensité le choc traumatique n'est-il plus supportable pour le patient? Chaque professeur a sa réponse, mais dans le fond, on aboutit toujours à une nouvelle question. Quelle est la volonté réelle de survie du patient ? Maintenant qu'on vous a mis l'eau à la bouche, on vous renvoie au site de Radio Sainte-Afrique, radiosainteafrique.com, sur lequel vous pourrez écouter la suite de cette vilaine histoire de Jean Vilain. Puisqu'aujourd'hui, sur Fréquence Paris Pluriel, on s'intéresse à l'histoire de cette radio et à son organisation, avec Gilles Margeron. Depuis les fenêtres de cette tour du roi où je suis en train de t'interviewer, on voit l'hôtel de ville. C'est quoi les relations avec la municipalité puis avec les collectivités locales ? Alors, c'est très symbolique, hein, parce que quand on s'est installé là, c'est un petit peu un hasard, mais la mairie était de droite, de chez de droite, hein, mais cette droite molle, bien française, bien gluante, je dirais. C'était juste avant les élections de 89, où on a changé donc de local. Tout ça était en chantier, et on a pris des photos où il y avait des pelleteuses et tout, et c'était la radio creuse son trou, etc., la radio face à l'hôtel de ville et tout. Et mine de rien, alors on y a un petit peu participé, mais il faut vraiment rester quand même très très modeste. On a contribué en 89 à ce que la mairie change et devienne, allez, centre-gauche un petit peu, quoi. On y a contribué parce qu'on a fait notre boulot, pas parce qu'on les a favorisés, mais parce qu'on a fait notre boulot. Et il faut dire qu'en face, il y avait un candidat qui voulait succéder à cette droite molle, qui était une droite extrême. C'est un député qui a été député maire de Millau après, mais qui a été un des fondateurs du SAC avec Pasqua, donc l'extrême droite de l'UMP. Et ce type-là, en 89, s'est fait jeter de 89 voix. Donc c'était assez symbolique et jouissif pour nous. Et en plus, on était face à la mairie. Enfin, il y avait plein de symboles comme ça, très... qu'on a utilisé, mais qui étaient des hasards purs, en fait. Hein. Sur notre site, d'ailleurs, c'est marqué, en 89, les 89 anards de la région ont pour une fois voté. Quoi. Voilà, c'était un petit peu le côté rigolo de l'affaire. Mais c'est vrai qu'on a toujours participé à la politique, aux élections, en essayant de faire notre boulot, en donnant la parole à tout le monde, sauf au Front National. C'est vrai qu'on a fait l'impasse, on n'a jamais eu... De problèmes légaux, mais on s'est toujours mis dans l'illégalité à ce niveau-là. On a toujours refusé de donner la parole à l'extrême droite. C'est un parti pris. Hein, c'était comme ça. Bah, bon, parce qu'il faut peut-être préciser que le CSA impose, si jamais il y a une couverture des élections par une radio, quelle qu'elle soit, hein, locale ou nationale, qu'à partir du moment où on invite un représentant d'un parti politique, tous les autres partis politiques aient le même temps de parole sur cette antenne. Alors, donc, nous étions hors la loi, mais ça nous plaisait bien. Il y a toujours un petit côté pirate là derrière. Après, il y a eu un changement, c'est une mairie de droite qui est revenue et qui nous a respectés. Ça a été assez étonnant. Nous, les soi-disant anarcho-gauchistes post-68ards et compagnie, on est arrivés à bosser avec une mairie de droite en se respectant. Ils étaient prévenus d'avance. Moi, j'avais rencontré le maire et tout. Mais bon, on ne leur a pas servi la soupe. On ne leur a rien demandé particulièrement. Mais il y a eu une forme de respect mutuel. Et après, CPS est revenu PS. Et depuis deux mandats, là, CPS. Mais c'est pas pour ça que ça marche mieux. C'est ça le problème. Bon, on les connaît, on les tutoie. Le sénateur maire, bah oui, c'est un mec que je connais depuis bientôt 30 ans. On se tutoie et tout. Mais ceci dit, toujours, on a toujours pris une certaine distance. On a toujours refusé d'être lié à la mairie d'une façon ou d'une autre. On a quelques accords du style fait de la musique. Bon, on a une enveloppe pour faire la fête de la musique parce que c'est une... C'est pas parce que c'est nous qui l'organisons, mais c'est une fête qui a une notoriété dans le coin. C'est un des temps forts de Radio Sainte-Afrique. le 21 juin, on fait une vraie fête de la musique avec des musiciens de rue, du théâtre de rue, des podiums, des musiques éclectiques dans tous les sens. Ça va du club d'accordéon en passant par l'été dernier, il y a eu Moussuté, par exemple, du Massilia Sound System. Il y a eu Mel, une rockeuse qui monte et qui est plutôt pote avec les Têtes Raides et tout ça. C'est un peu, voilà, c'est un peu notre programmation musicale. Mais voilà, on est arrivé, on est, c'est vrai, depuis bientôt 30 ans, on est très bien implanté. Il faut le dire, on a de l'écoute, on a été les seuls pendant longtemps, on les fait marrer. Voilà, et puis il y a des trucs, on est les seuls à le faire. Parce que c'est nous, un peu nous, ça, ce qu'on aime dans la radio, c'est plutôt c'est son le... côté. Dans le toujours dans une espèce comme ça de les vieilles cabines. Allô ouais, attends, allô ouais, je te capte pas bien là, je sors, attends. Une émission estivale qui sont bon le thym, le romarin et le trèfle parfumé. Il y a un son de chiottes dans le tuyau là, ça tape pas bien. Les vieilles cabines, une entreprise de communication désuète, aux répliques cinglantes et téléphonées. Ben ok, ben on y va, on est parti, c'est bon, tu me dis que c'est bon, on y va, on part de suite. Au niveau des financements, ça se tient comment Radio Sainte-Afrique? C'est la question qui tue, bien sûr, le nerf de la guerre. Comme toutes les radios associatives, hein, mais on est au taquet au niveau des, c'est-à-dire maximum, pour les subventions du FSER. Hein, on a toujours été au maximum parce qu'on a valorisé ce qu'on faisait, on a fait des bons dossiers, on a appris. Hein. Donc, il y a une part de subvention et on a multiplié les petits ruisseaux. Donc, on est organisme de formation, on forme le personnel des autres radios associatives. À celles qui veulent bien venir, mais ça nous fait quand même un apport assez intéressant. On vend pas mal d'émissions à l'EPRA, qui est une banque de programmes. On fait des prestations extérieures, genre animation, mais bon, on ne va pas faire les majorettes ou les trucs comme ça, hein, mais les foires bio ou les trucs un petit peu qui sont dans notre esprit, je dirais. Et puis moi, j'ai la tchatch, hein, vous en êtes rendu compte, j'ai tendance à animer des trucs quand on me le demande, alors ça va de la lutte contre le sida en passant par les journées sans tabac ou des trucs dans ce style, quoi, où on arrive à se faire financer pour ça, avec des communautés de communes, avec on tape un peu à toutes les portes, il y a les messages d'intérêt collectif et tout ça. Et bon an, mal an, on arrive à peu près à boucler le budget. On a le budget, je dirais, un peu maximum d'une radio associative mûre, c'est-à-dire on tourne aux alentours de 160 000 euros par an, quoi. Là, il y a combien de salariés? Comment s'organise la radio, en fait? Combien de salariés, combien de bénévoles et quelles sont leurs tâches respectives? Alors, on est arrivé à avoir 6 salariés, dont 3 CDI et peut-être bientôt la moitié d'un. Il y a 2 emplois aidés. Alors, c'est vrai qu'on préférerait qu'il n'y ait que des CDI, mais ce n'est pas trop possible au niveau de la masse salariale. Alors, on continue à se faire un petit peu aider par l'État, hein, pour le traitement social du chômage. On en bénéficie depuis de nombreuses années. Mais disons qu'on joue le jeu. Je connais des radios associatives qui exploitent ces emplois Kleenex. Nous, on a toujours envoyé les gens en formation. On a toujours essayé que ce soit un tremplin. Et la preuve, c'est que moi, je suis le fruit de ce genre de choses. Il y en a eu d'autres à la radio, hein, qui ont démarré comme ça. Donc ça c'est les emplois. En gros, donc il y a un coordinateur, un directeur d'antenne, ce qu'on voudra. Il y a deux responsables techniques, deux techniciens, deux journalistes et une secrétaire. En gros, je crois qu'il y a le compte. Et puis, il y a une trentaine de bénévoles. Alors, tous ne font pas de la radio. Il y a des gens qui gravitent autour de la radio, qui sont des sympathisants, des gens comme ça. Et il y a, disons, peut-être une quinzaine de bénévoles qui sont très actifs et qui font des émissions régulièrement depuis de nombreuses années, etc. Et puis, il y a des gens de passage, il y a des anciens, il y a des gens ponctuels, il y a un petit peu de tout. Mais en milieu rural, c'est vrai qu'on a de la peine on aimerait avoir plus de 109, quoi. Et quand tu parles de journalisme, comment est-ce que vous définissez en fait la fonction d'un journaliste dans une radio associative par comparaison avec d'autres médias? Bon, c'est pas très très différent. On essaye de... Le journalisme, c'est une question d'axe un petit peu. Quel axe on prend pour traiter le sujet, hein? Il y en a toujours plein. Et on peut voir l'axe officiel ou le petit côté de la lorgnette, les coulisses. Alors voilà, il y a eu plein d'époques différentes. Il y a un peu une règle à la radio, celui qui fait, il fait, quoi. Hein. On essaye d'être en accord avec une ligne éditoriale, hein, qui met en premier tout ce qui est droits de l'homme, défense de l'environnement et des choses comme ça. Ça, on a gardé une certaine colonne vertébrale, on va dire, de sujets, tout ce qui est associatif, bien entendu, tout ce qui est culturel et politique, quoi, en gros. On fait assez peu le sport, il y a eu quelques tentatives, ça fonctionne. Si on faisait plus de sport, on aurait plus d'écoute, mais bon, il faut avoir les gens compétents aussi. Comment définir ? On fait un boulot, on va dans les conférences de presse, on enquête quand il faut, si on peut, si on a le temps, on essaye de faire beaucoup d'interviews, on essaye de beaucoup donner la parole aux gens, quoi, hein. C'est vrai qu'en ce moment, le boulot de journalisme consiste principalement à avoir des invités, à faire parler des gens, et je crois que c'est dans notre charte aussi de donner la parole aux gens, ceux qui l'ont pas, ceux qui ont besoin de nous, ceux qui ont besoin d'un porte-voix, quoi. Mais justement, dans le milieu des radios associatives non commerciales, il y a un peu un clivage, disons, c'est un mot un petit peu fort, mais entre des radios qui revendiquent la dimension amateur, quoi, au sens de radio libre, radio amateur, et des radios qui poussent vers la professionnalisation. Qu'est-ce que c'est à Sainte-Afrique ? Quelle est la tendance adoptée ? Les deux, mon capitaine. On essaye de garder la fraîcheur un peu de ce côté, je dirais, artisanal plus qu'amateur. Mais on a toujours tiré vers le haut au niveau de la qualité du son, au niveau de la régularité, de la technique. Il faut que... moi, je viens du son avant, principalement, et une radio... Alors, je défends ça et je n'ai pas toujours été suivi, hein, mais c'est avant tout du son. C'est malheureusement au moins 60, si ce n'est 80% de forme, la radio. Si vous avez un truc qui crachouille, qui n'est pas bon, qui est saturé, qui est pourri, vous pouvez avoir le meilleur reportage, le meilleur discours, la meilleure chronique, elle ne passe pas, les gens tournent le bouton. Les gens qui revendiquent, et il y en a encore dans les grandes villes, qui revendiquent ce côté complètement amateur, oh, on s'en fout, on ouvre les micros, on délire, pendant une heure, on ne passe pas de musique, c'est bâtard, machin et tout. Ceux qui font de l'enrobage, des jingles, c'est des commerciaux. Je trouve ça, c'est des gens qui n'ont rien compris à la radio, me semble-t-il. On revendique le côté radiophonique, quoi. Et la radio, c'est du son, avant tout. C'est pas pour ça qu'on est obligé d'être constipé. Mais il y a de la création, il y a du montage, il y a du mixage, il y a du bidouillage de son. On a maintenant des appareils fantastiques. Avant, on faisait tout avec des ciseaux et des bouts de bande et on y arrivait. Maintenant, avec les ordinateurs, c'est magique, quoi. On peut vraiment faire de la qualité à pas très cher, quoi. Voilà, je pense que faut pas prendre les gens pour des cons non plus, mais faut respecter les auditeurs. Voilà, moi je crois qu'il faut vraiment respecter les auditeurs et essayer de leur donner le plus possible de qualité, tout en les faisant rêver, en leur donnant de la joie, du plaisir, de la distraction. Mais il faut que ce soit quand même agréable à écouter, quoi. J'ai entendu de ce genre d'émission où qui passe du coq à l'âne, hein, on passe d'une émission qui n'a rien à voir à l'émission sur les prisons, puis pof, on revient à un truc de pain, quoi, machin. Et il n'y a aucun lien, il n'y a aucune... relation entre je viens faire mon émission, ce qu'il y a avant et après, je m'en fous, quoi. Il y a un côté branlette, encore une fois. Il y a des gens qui viennent se satisfaire l'ego au micro. Et c'est un passage, on passe tous par là, parce que ça a tendance à un petit peu gonfler l'ego, la radio. Et c'est pour ça que ça attire les dingues aussi, d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut dépasser ce stade un petit peu oui, d'égoïsme, pour penser que c'est vraiment une relation avec des gens. Il y a des gens de l'autre côté du haut-parleur, il faut les respecter, il faut les aimer. Et c'est justement, peut-être en étant bon, en étant subtil, en étant, essayer peut-être d'être des agitateurs de conscience un petit peu, quoi. Et Radio Sainte-Afrique fait aussi pas mal de créations sonores, a été récompensée pour ça à plusieurs reprises. Tu pourrais nous parler de ça ? Oui, alors malheureusement, on n'a plus trop le temps, mais je le déplore. Peut-être que là, j'aurai du temps pour en faire plus. Effectivement, il y a eu toute une période où on n'était pas reconnu sur place. Donc, on s'est fait reconnaître par l'extérieur et on a fait pas mal de concours et qu'on a gagné. On a eu des prix, on a eu des choses comme ça. Et c'était intéressant parce que ça permettait aussi d'avoir des articles dans la presse et de dire « Ah bah tiens, mais Radio Saint-Aff, c'est pas des gros nazes comme on pense, finalement. Ils vont à Berlin, ils vont à Cannes, ils vont à Nancy ou je ne sais où recevoir des prix radiophoniques. C'est quand même assez étonnant, quoi, voilà. » Donc ça a été aussi une des façons de se faire reconnaître. Et puis, ça donnait la possibilité à des bénévoles ou à des gens de faire de la création radiophonique avec du son, avec la recherche, avec du mixage, avec des trucs que même Radio France a de la peine à faire maintenant parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que c'est trop cher. On fait des pièces radiophoniques, par exemple, chose qui est pratiquement abandonnée, sauf peut-être un peu sur France Culture et encore, quoi. On se donne la possibilité de faire encore ce genre de choses parce que c'est un outil magique et magnifique, quoi, de pouvoir, effectivement. Il y a ce truc-là anti-télé, je dirais, c'est l'inverse de la télé où on fait rêver, où on s'adresse à des non-voyants, et donc on va suggérer des images avec des sons, et on va les faire planer, on va les faire rêver, quoi, quelque part, et pas dans le mauvais sens, quoi. Ça, on peut faire passer un message aussi comme ça, quoi. Mmh. Parfois, je dis, si on avait pu garder tous les gens talentueux qui sont passés à la radio, mais on aurait une radio la meilleure du monde, quoi, parce qu'on a eu des gens extraordinaires, au niveau technique, au niveau mixage, au niveau du fond, au niveau de l'écriture. En ce moment, on a pas mal de gens qui écrivent bien, qui font des nouvelles, qui font des choses comme ça, et donc on est pas mal axé dans ce style. La secrétaire, qui normalement elle est rentrée pour faire de l'administratif, il se trouve qu'elle a une super plume, qu'elle écrit vachement bien et des trucs qu'on n'imaginerait pas, quoi. Et ben voilà, on lui donne la possibilité, vas-y, quoi. C'est pas parce que t'es secrétaire que t'as pas le droit d'écrire des nouvelles ou des chroniques pour l'antenne, etc. Ah, ça va mal, ah, ça va mal. Le beefsteak, c'est du cheval. Et même plus fort que le roquefort, il y a des punaises dans le rôti de porc. Il y a des pupus, il y a des nanaises, il y a des punaises dans le rôti de porc. Ça va aller, Elsa? Ben oui, c'est ma chronique. Ah, ok. Vous la sentez, l'identité nationale française, au plus profond de votre être? Mais si, elle vous étreint le cœur, irrigue votre corps à chaque instant de votre vie, nourrit vos neurones de ses vertus, vous habite continuellement de ses valeurs, vous donne cet inestimable sentiment d'être fier d'être français. Allons, un petit effort. Moi-même, je confesse, j'étais fort sceptique sur la pertinence d'un tel concept. Un charmant monsieur, chasseur de son état, après un apéritif anisé, se décida à m'en expliquer la teneur. Il m'avait auparavant gentiment demandé si j'étais d'ici, ici étant un hameau de quelques habitants situés dans les Cévennes. Il tint les propos suivants pour mon édification identitaire et nationale. « Je suis chez moi, moi, madame! Je suis cévenole, moi! Je suis chez moi! Je suis française, moi, madame !» Je fus touchée au cœur par la force et l'énergique dignité qui se dégageait de cette vérité indéniable. Mais je fus prise d'un doute. Bourguignonne par mon père et ch'ti par ma mère, pouvais-je me revendiquer de cette identité magnifique? Le petit Robert des noms propres m'apprit, à mon grand désarroi, qu'après moult changements de propriétaire, la Bourgogne passa sous la suzeraineté des empereurs germaniques en 1034. Un frisson d'horreur me parcourut les chines, le temps de poursuivre ma lecture, et heureusement pour moi, l'article indiquait que par la suite, la Bourgogne revint dans la mouvance de la couronne de France. Cependant, ébranlé par la découverte de possibles ascendants teutoniques dans ma filiation, je renonçais lâchement à me renseigner sur mes origines ch'tis. Laissant Elsa à ses incertitudes nationales, on termine, toujours sur Fréquence Paris Pluriel, la découverte de Radio Saint-Afrique avec Gilles Margerand. Là, l'ensemble des radios associatives vivent un tournant en ce moment à plein de niveaux, hein, parce que là, il y a une refonte des financements en ce moment. Puis il y a aussi la perspective éventuelle qui est un petit peu remise en question du passage vers la radio numérique terrestre. Qu'est-ce qu'on pense Radio Centrafrique? Ça se fera jamais. Ça se fera jamais. Enfin bon, je peux me planter, mais disons qu'on a la chance au sein des radios d'avoir des spécialistes comme ça, des gens qui sont assez pointus. Et on a un collègue qui a une radio dans le Lot qui s'appelle Jean-François Chaval. Sa radio s'appelle Antenne Doc. Et au dernier congrès de la CNRA à Arras... Donc la Confédération Nationale des Radios Associatives, c'est une des grosses confédérations de radios associatives. Voilà. Il y avait Rachid Arab du CSA qui est chargé de mettre en place la radio numérique. Et on lui a montré tout là où ça ne marchait pas, là, ce qui allait, ce qui n'allait pas, etc. Récemment, il y a eu le rapport Tessier qui a dit mais les bénéfices de la radio numérique ne justifient pas tout ce qu'on va être obligé de mettre dedans. On est en période de crise, ça va coûter très cher pour un bénéfice assez ridicule. Puis on a Internet. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir On l'a déjà, la radio numérique. On l'a. Il suffit d'améliorer un peu les streamings et tout ça. N'importe qui peut nous choper sur un téléphone portable. Je veux dire, qu'est-ce qu'on va remettre encore des nouveaux émetteurs numériques, machin. Et en plus, donner du pognon à trois gros rediffuseurs, puisqu'on ne pourra plus être autonome. Nous, on est totalement autonome de A à Z. C'est souvent moi qui montais au pylône, réglais les antennes, etc. quoi. On faisait tout de A à Z. Là, terminé, la radio numérique, on se remet dans les mains de TDF, Powercast et compagnie. Il y en a trois, je crois. Voilà, il y a trois diffuseurs et qui feront des bouquets numériques, qui feraient des bouquets numériques à très cher, etc. Et nous, en milieu rural, est-ce que vous pensez franchement que ces gens-là vont faire des bouquets numériques pour Sainte-Afrique, Belmont, Millau, machin et tout ? C'est assez peu crédible. Alors, de toute façon, l'État a dit « Oui, mais on vous aidera, on provisionne de l'argent, gna gna gna ». Mais nous, il nous faudrait au moins 45 000 euros par an pour avoir un résultat qui sera moins bien que ce qu'on a en ce moment en HF. Oui, en FM, j'ai dit HF, mais c'est en FM. Actuellement, la diffusion, elle vous coûte combien ? Là, tu dis 45 000 en radio numérique et actuellement, en FM, c'est combien ? Elle nous coûte le prix du courant, la plupart du temps, et on fait l'entretien, on fait l'installation, il faut acheter le matériel, mais une fois qu'il est amorti, c'est rien du tout. On arrive à diffuser, on a quatre fréquences quand même, hein, pour couvrir le Sud-Aveyron, parce que c'est un relief qui est difficile. Avec des petites vallées et tout ça, il n'y a pas de point haut, quatre fréquences, et on arrive à faire tourner ces fréquences. Notre diffusion, je ne sais pas, peut-être elle nous coûte, allez, tout compter, les déplacements, les machins, je ne sais pas, 5 000 peut-être par an, quoi. Alors 5 000, 45 000, il n'y a pas photo, quoi. C'est disproportionné, stupide à tous les niveaux, et on s'en fout de mettre des données associées, c'est plus de la radio, on fait de la télé à ce moment-là, quoi. Beaucoup de gens pensent que ça ne se fera pas. Je pense que la radio associative, ça dépend de l'État, parce que d'un simple geste, ils peuvent quand même nous fermer tous les robinets. Si on n'avait plus de fonds de soutien, on est mort en très peu de temps quand même, il faut le savoir, ou tout au moins il n'y aurait plus beaucoup de radios. Moi j'espère que ça va perdurer, parce que c'est un espace de liberté, parce que c'est un truc un peu fou, c'est un pari utopiste qui a fonctionné, et voilà, et 30 ans après, on est toujours là. Donc ça me ferait un peu suer que ça s'arrête, c'est vrai, ou que ça soit récupéré, ou voilà. Mais je pense que j'ai de l'espoir, hein, par rapport à ça, parce qu'il y a toujours des fous, il y a toujours des jeunes que ça branche, il n'y a plus l'engouement de 80, peut-être, mais on s'en fout, quoi. Ça tourne, ça fonctionne, surtout en milieu rural, comme chez nous, c'est presque vital, quoi, pour communiquer. Donc voilà, j'espère faire de la radio encore longtemps, de façon bénévole, gratuite, etc. quoi. Et il n'est pas le seul à bien y compter, à continuer à faire de la radio encore longtemps sur des radios libres. C'était donc l'histoire de Radio Sainte-Afrique, une radio aveyronnaise avec Gilles Margeron, très longtemps coordinateur de cette antenne. Vous retrouverez toutes les infos sur cette radio sur son site radiosaintafrique.com. Quant à cette émission, elle sera rediffusée mercredi prochain, le 9 à 10h sur FPP, et puis elle sera disponible à l'écoute et au téléchargement en ligne sur www.intempestive.net. Et rendez-vous très prochainement dans l'Intempestive avec la toute jeune voisine de Radio Sainte-Afrique, Radio Larzac. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer